Excellence de Marie et son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, volume 2. Cinquième instruction, pour la fête des épousailles de la Sainte Vierge Marie avec Saint Joseph. Fixée au 23 janvier par le pape Benoît XIII au XVIIIe siècle, la fête des saints époux, Marie et Joseph, et peu à peu tombé en désuétude au fil des temps. En 1961, la réforme du calendrier liturgique la supprime définitivement. Pour autant, certaines communautés continuent de commémorer le mariage de Marie et Joseph le 23 janvier, conféra Lesia.org. Les manichéens avancèrent une erreur singulière pour vouloir paraître ce qu'ils n'étaient pas. Ils réprouvèrent le mariage comme mauvais, ayant l'impiété de prétendre qu'il a pour auteur le prince des ténèbres, et non pas Dieu. Erreur sagement réfutée par de saints docteurs et spécialement par saint Augustin, erreur ouvertement condamnée par les divines écritures tant de l'Ancien que du Nouveau Testament. Par la bouche de la sagesse sacrée elle-même laquelle nous assure que le même Dieu qui créa l'homme et la femme, forma aussi et sanctifia ce nœud qui les unit ensemble, pour la fin que Dieu eut en vue dans la formation du genre humain. Et quand même nous n'aurions d'autres preuves qui en fît voir l'absurdité, la fête que nous célébrons en ce jour en serait une réfutation complète. Nous voyons aujourd'hui cette femme extraordinaire, sur laquelle le démon n'eut aucune prise, contracter des épousailles, et s'unir par les liens du mariage avec un chaste et fidèle ami de Dieu, Saint Joseph. Les épousailles et le mariage ne sont donc pas des inventions diaboliques, c'est au contraire une chose si sainte, qu'elle signifie et représente l'intime union que le Verbe divin daigna contracter avec notre fragile nature. C'est pourquoi saint Paul appelle le mariage un grand sacrement, Éphésiens 5, 32. Sacrement grand par la grande signification qu'il renferme, grand, par les grandes obligations qu'il impose à ceux qui le contractent, comme aussi par les grandes bénédictions qu'il apporte à ceux qui en usent saintement et dignement. Loin donc de l'esprit des fidèles la pensée que le démon ait pu en être l'inventeur. D'un autre côté, on ne peut nier que le démon y ait souvent une bonne part, à raison des désordres sans nombre auxquels ont coutume de se livrer tant de personnes, et avant de contracter l'union conjugale, et après s'être unis par le lien sacré. Plus à Dieu que tous ceux qui contractent mariage, imitassent la conduite de la très chaste Vierge et de Saint Joseph, sinon en tout, du moins en ce qui est essentiel, et quant à l'intention de plaire à Dieu et de servir fidèlement sa divine majesté dans l'état de vie qu'ils embrassent. Ils en recueilleraient alors des fruits de bénédiction. Mais on ne voit que trop souvent le contraire. Quoi qu'il en soit des autres, Dieu daigne éloigner les désordres qui ont lieu d'ordinaire dans de semblables circonstances, de tous les vrais enfants et serviteurs de Marie. Mon cher frère, j'ignore dans quel état vous vous trouvez engagé, mais supposez que vous ayez l'intention de vous lier par le mariage, que Marie et Joseph soient vos modèles, et tâchez de les imiter autant que le permet votre condition. C'est pourquoi je me propose en ce jour de vous expliquer brièvement comment se comportèrent ces chastes et saints époux, et de là nous déduirons la conduite que vous avez à tenir si vous veniez à embrasser un semblable état. Il est nécessaire en premier lieu d'établir qu'entre Marie et Joseph il existe un mariage véritable et réel, et non de simples fiançailles, comme paraît l'avoir pensé saint Grégoire de Nice, dans l'oraison de la Nativité du Seigneur. Cette singulière opinion ne passerait plus aujourd'hui sans encourir la note de témérité, si quelqu'un voulait encore la soutenir, Comme le remarque fort bien Benoît XIV, in festo despons, la fête de l'époux de la bienheureuse Vierge Marie, et parce qu'elle est contraire au sentiment unanime des docteurs catholiques, et parce qu'elle semble même opposée aux divines écritures, où Mariette est appelée uxor et conjux, épouse et conjointe, et Joseph au contraire vir Mariae, le mari de Marie. Mais n'inférez pas de là que la virginité immaculée de Marie ait perdu quelque chose de sa candeur et de son éclat, je ne parle pas seulement de la virginité du corps, mais aussi de celle de l'esprit et du cœur. Ne croyez pas que celle-ci au moins soit demeurée offusquée par la volonté de la perdre ou d'y renoncer. Non, mon frère, loin de notre esprit une telle pensée qui fût si éloignée des intentions très pures de Marie. La Sainte Vierge, comme le remarquent des auteurs respectables, avait déjà consacré au Seigneur son corps non moins que son cœur, par le vœu de perpétuelle virginité, et cette vertu ne souffrit aucune altération à l'occasion du mariage par lequel elle s'unit à Saint Joseph, voyez Benoît XIV. Mais, direz-vous aussitôt, comment le vœu de virginité et le mariage peuvent-ils exister simultanément? Cette demande n'est pas peu embarrassante et me met dans la nécessité de devoir dire ce que j'aimerais mieux passer complètement sous silence, dans la crainte d'en donner trop à entendre à quelques-uns dont je désirerais être un peu moins compris. Je me garderai donc de trop dire, et comme je ne puis me taire tout à fait, je ne dirai que ce qui est nécessaire pour être entendu de celui qui est en état de m'entendre. Comment donc un mariage véritable et réel peut-il coexister avec le vœu réel et véritable de virginité perpétuelle? En d'autres termes, comment peut-on accorder à un homme ce qui a déjà été donné à Dieu? N'est-ce pas là faire une usurpation sacrilège de ce qui a été consacré à la Divine Majesté? N'est-ce pas plutôt un acte nul par nature? Et si l'acte est nul, comment peut-il constituer un véritable mariage? S'il est injuste et sacrilège, comment croire que Marie l'ait exécuté, elle qui fut toujours pure, toujours exempte de la plus légère souillure? Me voilà dans un mauvais pas, pour m'en débarrasser, laissant là toutes les autres opinions, je m'attache à ce qu'a dit sur ce point l'angélique docteur Saint Thomas. Ce saint docteur nous dit donc que la Sainte Vierge fit deux vœux de chasteté, ou autrement, qu'elle fit le même vœu en deux circonstances différentes. Premièrement, instruite, comme le dit le suave docteur Saint Bernard, par l'Esprit Saint, qui, au moyen d'une lumière intérieure, lui fit voir combien Dieu se plaît avec les cœurs purs, et excité par un instinct secret qui la portait à rechercher toujours ce qu'elle savait être plus agréable aux yeux de Dieu, elle lui offrit sa virginité immaculée, protestant que de son côté elle était toute disposée à la conserver intacte jusqu'à la mort. Toutefois, comme elle ne savait pas encore pleinement s'il avait plu ou non au Seigneur d'en ordonner autrement, elle n'osa pas faire ce vœu d'une manière absolue, elle le fit donc conditionnellement, c'est-à-dire en tant que Dieu ne demanderait pas autre chose, confère Saint Thomas, somme théologique. La chaste colombe, la pure et tendre Vierge Marie demeura quelque temps dans cette détermination, mais par la suite une lumière intérieure l'assura que Dieu avait réellement agréé son offrande, et qu'il prendrait plaisir à l'avoir maintenue. Alors elle renouvela le vœu, mais sans aucune condition, comme le fait voir clairement, entre autres, la réponse qu'elle donna à l'archange Gabriel, quand celui-ci lui annonça qu'elle concevrait le Messie dans ses chastes entrailles, « Comment, dit-elle, cela se fera-t-il? Car je ne connais point d'homme. » Luc 1, 34. Cette réponse serait dénuée de sens et même déplacée, si l'on ne supposait, dans celle qu'il a fait, une volonté ferme et absolue de ne pas même connaître à l'avenir l'homme qu'elle avait ignoré jusqu'alors. C'est la conséquence que font ressortir de graves auteurs, voyez Benoît XIV, in fait de l'époux de la bienheureuse Vierge Marie. Elle avait donc à cette époque fait vœu de virginité perpétuelle. Mais cela supposé, comment peut-elle consentir à son union conjugale avec Saint Joseph? Comment s'exposer au péril de violer la promesse jurée? L'angélique docteur résout encore ce doute en disant qu'avant de contracter son mariage avec lui, elle possédait déjà l'assurance, non seulement de l'éminente vertu de l'époux que Dieu lui donnait en partage, mais encore de la résolution qu'il avait prise, de n'être que le gardien du lys éclatant qu'il recevait du Très-Haut. Confère Saint Thomas. Mais peut-il y avoir mariage véritable quand les deux époux se trouvent également dans la résolution de garder une virginité perpétuelle? Oui, répondent les théologiens et les canonistes, cela peut être. Tout comme la propriété d'un fonds peut exister, quoique séparée de l'usage de ce même fonds. Qu'il suffise d'avoir jeté un coup d'œil sur cette délicate matière. Concluons donc qu'entre la très sainte Vierge et Saint Joseph il y eut un mariage réel, et non pas apparent seulement. Mais, qu'il fût différent de celui que contractent tant de personnes, qui néanmoins se font gloire des beaux titres de disciples de Jésus-Christ et d'enfants dévoués de la très sainte Vierge, qu'il fût pur, qu'il fût étranger à toute souillure. Il ne s'agit pas là de caprice ou d'inclination, la volonté divine suffisamment signifiée, voilà l'unique raison qui détermina ces deux chastes époux à contracter ce nœud si saint. Il n'y eut entre eux, je suppose bien, ni visite superflue, ni lettre, ni message, ni confidence quelconque. Aussitôt que les fortunés époux surent que Dieu voulait qu'ils fussent unis par le nœud conjugal, ils n'en demandèrent pas davantage, cette connaissance leur suffit. Oh qu'ils sont beaux les liens que resserre la divine volonté! Quelle aimable union que celle qui se contracte dans le divin cœur et la volonté divine. Mais comment surent-ils que Dieu voulait qu'ils fussent unis par le mariage? Le Saint-Évangile ne nous en dit rien, et je ne crois pas convenable de scruter ce mystère. Je sais que quelques indices que Dieu, par un miracle évident, manifesta qu'elle était l'époux destiné à celle qui devait être l'épouse du Saint-Esprit, et que ce miracle consista en ce qu'on aurait vu fleurir une verge desséchée, placée par Saint Joseph dans le temple. Toutefois, laissant ce fait tel qu'il est, avec la probabilité que d'autres lui donnent, je ne m'étends pas davantage sur cet article, il me suffit de savoir que ce nœud sacré ne fut formé que par la volonté du ciel. Mais pourquoi, pourrait demander quelqu'un, pourquoi Dieu voulut-il que la très sainte Vierge embrassât l'état du mariage? S'il la voulait vierge, n'était-il pas mieux de la laisser dans l'état qu'on appelle proprement virginal? Ô mon frère, que ces recherches sur la divine volonté me font peine. Elles naissent d'ordinaire d'un esprit plus curieux de savoir que disposé à agir et à exécuter la volonté de Dieu. Je pourrais donc répondre à cette question, et à d'autres semblables, c'est parce qu'il a plu ainsi à sa divine majesté, en qui la souveraine raison de l'acte est la volonté de celui qui agit, comme dit saint Augustin. Néanmoins remarquant que Saint Jérôme a donné une réponse très satisfaisante à la demande qui m'a été faite, j'y répondrai aussi après ce saint docteur, et je dirai avec lui que Dieu eut plusieurs raisons de le vouloir ainsi. La première a pu être de nous donner par là la certitude de l'origine du divin Rédempteur, Laquelle autrement pouvait nous rester inconnue, vu qu'il n'était pas d'usage chez les Hébreux de décrire la généalogie des femmes, mais seulement celle des hommes, en sachant qu'elle fut l'époux de Marie, et qu'elle fut sa famille, nous connaissons facilement qu'elle fut celle de Marie, car nous savons que la loi défendait d'épouser des personnes d'une autre famille ou tribu. En second lieu, dit le saint docteur, ce fut pour empêcher que la Sainte Vierge ne fût tenue par les Juifs pour adultère, et lapidée comme telle, s'ils s'étaient aperçus qu'elle avait conçu hors du mariage légitime. Cette raison, pour le dire ici en passant, prouve d'ailleurs que c'est à tort que l'on regarde Saint Joseph pour un vieillard caduc, ainsi que nos peintres ont coutume de le représenter. La fausseté de cette opinion ressort encore mieux de la troisième raison qu'assigne Saint Jérôme, c'est-à-dire, afin que la très sainte Vierge eût un soutien et un guide sûr pendant sa fuite en Égypte, ce qu'elle aurait trouvé difficilement dans un vieillard décrépit, qui peut à peine se conduire lui-même, loin de conduire les autres. Saint Ignace, martyr, ajoute une quatrième raison, ce fut, selon lui, afin que le démon ignorât que Jésus était conçu d'une vierge, bien que cette raison paraisse inintelligible à quelques écrivains. Benoît XIV démontre qu'elle est suffisamment fondée, et digne du grand saint qui nous l'enseigna. Si ce n'était pousser la témérité trop loin, je demanderai la permission d'en ajouter encore une, et la voici: Dieu voulut que la très sainte Vierge eût un époux, pour favoriser son extrême humilité qui la portait à fuir autant que possible toute singularité quelconque. Autant elle désirait de plaire extraordinairement à son Dieu, et d'être ornée des dons les plus singuliers, afin de devenir de jour en jour plus agréable à ses yeux, autant d'ailleurs elle était éloignée d'enfer et tel âge. Au contraire, elle cherchait à cacher avec tout le soin imaginable, aux yeux du monde, les trésors précieux qu'elle renfermait dans son cœur virginal. C'est ce que nous verrons plus en détail dans la fête de la purification. Or, demeurer sans se marier eût été une chose bien singulière chez les Juifs, et presque sans exemple, la Vierge très pure eût été montrée au doigt, comme une personne extraordinaire et propre à fixer l'attention du public, ce que les cœurs vraiment humbles, comme l'était celui de la très sainte Vierge, ont souverainement en horreur. C'est pour cela, je croirais bien, que Dieu a voulu qu'elle parût semblable aux femmes ordinaires, mariée comme elle, sans aucune prérogative qui la distingue du commun du peuple. Quelle que soit la valeur de ce motif, il est de fait, mon cher frère, que si nous étions véritablement humbles, à l'exemple de la très sainte Vierge, nous fuirions aussi toute singularité, et nous marcherions volontiers dans la route commune, tâchant seulement de nous distinguer aux yeux de Dieu par la pratique constante des vertus chrétiennes, mais non pas tant aux yeux des hommes par une pure apparence de ces vertus. Laissons cependant ces considérations et autres sur les épousailles de la très sainte Vierge, venons-en à nous-mêmes, et remarquons ce que nous devons faire pour tirer profit de l'exemple que la Sainte Vierge nous donne. Je ne sais, ni ne puis savoir dans quel état de vie vous vous trouvez, ô serviteur de Marie, c'est pourquoi je ne sais pas précisément quelles instructions je devrais vous donner, pour m'approprier à vos besoins. Je suis certain toutefois que vous vous trouvez dans l'un ou l'autre de ces trois états, où vous avez l'intention d'embrasser le mariage, où vous l'avez déjà contracté, où vous n'êtes ni marié ni dans l'intention de vous marier à l'avenir. Afin donc de m'adapter à votre condition, je vais dire deux mots sur chacun de ces états, où vous pouvez vous trouver. Si vous êtes encore libre, et que vous ayez la volonté de vous marier, gardez-vous surtout des abus qui ne sont que trop fréquents dans notre siècle, où l'on ne contracte presque jamais de mariage légitime qu'après une série déplorable de chutes en péché fort graves, commis avec la personne même, à laquelle on doit s'unir par le lien sacré. Au ciel, quel étrange désordre! Comment Dieu peut-il bénir un œuf formé par tant d'iniquités? Aussi qu'y a-t-il d'étonnant si nous voyons une si grande, et même la plus grande partie des époux mécontents de l'état qu'ils ont embrassé, et ne sachant vivre un moment en paix avec leur conjoint? La véritable paix est un don de Dieu, et ce don ne s'accorde qu'aux personnes de bonne volonté, mais comment serait-elle bonne cette volonté qui est liée par le péché mortel? À bien des époux s'approchent du Saint-Autel pour recevoir la bénédiction nuptiale, mais comment cette bénédiction pourrait-elle descendre sur des cœurs enfoncés dans la fange des plus sales voluptés? Vous me direz avant de nous marier, nous nous confesserons, et ainsi nous ferons la paix avec Dieu. Mon frère, je m'abstiens pour le moment de vous faire remarquer l'abus énorme que vous faites de la miséricorde divine. Est-ce parce que je suis bon, dit le Seigneur, que vous voulez être méchant? Matthieu 20, 15. Dans ce cas, il cessera d'être bon à votre égard. Vous vous confesserez, mais pour ne point parler ici des époux qui, étant ainsi enlacés dans le vice, taisant cette occasion les fautes qu'ils ont commises, supposons que vous manifestiez le tout sincèrement, de quoi cet aveu vous servira-t-il, si vous n'avez une véritable douleur? Il ne sera bon qu'à endormir votre conscience, et à vous rendre peut-être plus criminel qu'auparavant au tribunal de Dieu. Le confesseur vous absoudra, pressé par la nécessité de vous marier, mais à quoi sert l'absolution de l'homme, si elle n'est ratifiée par celle de Dieu? Et Dieu n'absout jamais celui qui n'a pas un vrai repentir du mal commis. Mais croyez-vous qu'il soit si facile de concevoir un sincère repentir en cette circonstance? Ah pour moi, je le regarde comme extrêmement difficile. L'objet de votre péché est présent, et il est présent de manière à réveiller sans cesse le souvenir de ce qui a été fait, et à exciter en vous la criminelle délectation de ce qui se fera. Et vous jugez qu'il est facile de se repentir en de telles circonstances? Le croit qui veut, pour moi je ne le croirai jamais. Si donc vous aviez eu le malheur de tomber, n'attendez pas le dernier moment pour faire une bonne confession, faites-la au plus tôt, et puis gardez-vous de retomber jamais soit par action, soit même par pure délectation. Évitez les rencontres le plus que vous le pouvez, et s'il arrive que vous ne puissiez vous en dispenser, ne vous y exposez pas sans être muni de sainte réflexion. Si par un effet de la divine bonté, vous n'étiez pas encore tombé, gardez-vous de tomber, ne vous engagez pas dans des rapports frivoles et superflus. Bornez-vous à ce qui est nécessaire pour prendre les renseignements indispensables, et vous accordez avec les parents, mais ne vous entretenez jamais seul à seul, spécialement pendant la nuit, ou dans les lieux où vous ne pourriez être observé. La liberté est la mère de bien des iniquités. En second lieu, gardez-vous de consulter le caprice et beaucoup moins l'avarice, dans le choix de la compagne que vous allez prendre. Songez que le pas est irrévocable, la mort seule peut délier le nœud que vous voulez former, et vous semble-t-il qu'il soit de la prudence de former un tel nœud pour seconder un caprice toujours volage et inconstant? Non, mon cher frère, pensez-y bien auparavant, tenez conseil avec Dieu dans la prière, demandez au Seigneur ses lumières et ses grâces pour faire un bon choix. Entre les grâces que Dieu puisse faire, une des plus grandes est celle d'accorder une bonne compagne. La femme vertueuse est un excellent partage, mais à qui Dieu daigne-t-il l'accorder? À ceux qui s'efforcent de le mériter par une vie sainte et réglée, Ecclésiastique 26, 3. Écoutez aussi la vie, je ne dirai pas de quelque entremetteuse vénale, mais des personnes qui sont en état de vous donner des conseils sages et prudents. Si vous avez un père et une mère, je ne pourrai vous assigner personne à consulter plus capable qu'eux de vous répondre dans cette affaire, parce qu'ordinairement il n'est personne qui ait plus à cœur que les pères et les mères l'intérêt de leurs enfants. Si vous le pouvez, préludez à votre résolution dernière par une sainte retraite d'une dizaine de jours passés dans des exercices de piété, faites-le, mon frère, je vous en supplie. C'est dans la solitude que Dieu fait plus volontiers entendre sa voix. Si vous rencontrez un confesseur éclairé et prudent, ouvrez-vous à lui, et prenez ses conseils au moins touchant l'état à embrasser, car le confesseur n'est pas bon conseiller en ce qui regarde le choix à faire de telle ou telle personne en particulier. Aussi les directeurs prudents se gardent-ils bien de dire « prenez une telle », à moins qu'ils n'y soient obligés par leur ministère, à raison de quelque antécédent qui aurait pu avoir lieu. Après cela, si Dieu vous appelle à cet état, approchez-vous, mon frère, du Saint-Autel pour former le nœud qui fera votre bonheur dans le temps et votre gloire dans l'éternité. Si vous étiez déjà marié, j'aurais plusieurs choses à vous faire observer, mais la brièveté que j'ai en vue m'arrête. Je vous dirai seulement que vous êtes un être raisonnable, et que par conséquent vous ne devez pas vous comporter dans le saint état du mariage à l'instar de la brute privée de raison. Que votre intention soit donc pure, comme est celle d'avoir des enfants qui servent Dieu avec vous. Nous sommes enfants de saints, disait le vertueux Tobie à Sarah son épouse, nous sommes enfants de saints. Et nous ne devons pas nous conduire à la manière de ceux qui ne connaissent point Dieu. Dieu de nos pères, ajoute ce chaste époux en s'adressant au Seigneur, vous savez que si j'ai pris cette femme pour être mon épouse, ce n'est point dans le but de satisfaire ma passion, mais par le seul désir de laisser des enfants qui bénissent votre saint nom dans tous les siècles. Tobie, 8. Quel beau modèle à suivre, mon cher frère, pour l'intention que vous avez à vous proposer dans l'usage du mariage. Quant au reste, je vous dirai avec les paroles de l'apôtre saint Paul, que le mariage soit traité de tous avec honnêteté, et que le lit nuptial soit sans tache, Hébreux 13, 4. Je n'ajouterai rien sur ce sujet. Et je termine par les mots de l'apôtre qui vous exhorte à aimer votre épouse, mais comment? Comme Jésus-Christ a aimé et aime encore l'Église, sa sainte épouse. Voyez combien votre amour pour elle doit être pur, combien il doit être saint. Souvenez-vous aussi que vous n'êtes plus le maître de votre corps, mais bien votre épouse, non pas pour en abuser, mais pour en bien user. Je veux que vous soyez bon, mais nullement fanatique, au point de vous laisser séduire par une trompeuse apparence de dévotion mal entendue, que le mari rende à son épouse ce qui lui est dû, et que celle-ci agisse de même à l'égard de son mari. 1 Corinthiens 7, 3. Oh que de fautes se commettent à ce sujet, fautes dont certaines personnes ne se font aucun scrupule, et par lesquelles elle croit même faire honneur à Dieu, Jean 16, 2, mais Dieu n'agrée pas un honneur qui lui est rendu au préjudice d'autrui. Le premier devoir que Dieu exige de nous, c'est que chacun rende à autrui ce à quoi il est tenu par justice. Mais moi, me direz-vous peut-être, Je ne suis ni marié, ni dans l'intention de me marier, votre discours ne me concerne donc aucunement. Quel fruit pourrais-je retirer de la considération des épouses et de mari? Un très grand, mon frère, parce que vous êtes plus en état que tout autre de vous rendre semblable à elle, pourvu que votre détermination soit l'effet, non d'une spéculation dictée par l'avarice, ou par une passion plus criminelle encore, mais d'un vif désir de plaire davantage à la divine majesté. Quoique l'état du mariage soit sain et irrépréhensible, on ne peut nier cependant qu'il soit moins sain que celui de virginité perpétuelle, observé par motif de religion. Celui qui marie sa fille fait bien, mais celui qui ne la marie point fait encore mieux. 1 Corinthiens 7, 38, c'est le grand apôtre qui parle, et l'Esprit Saint lui-même nous instruit par sa bouche. L'état du célibat est donc plus parfait que celui du mariage, plus parfait en soi, mais ce qui est mieux en soi, ne l'est pas toujours relativement à toute espèce de personne. Vous voulez donc demeurer célibataire, mon cher frère, je m'en réjouis avec vous, mais afin que ma joie soit plus complète, dites-moi, s'il vous plaît, quel est votre but, et dans quelles circonstances vous vous trouvez actuellement. Si vous ne vous mariez pas pour n'avoir pas d'enfant, c'est peut-être un effet de l'avarice. Si vous ne le faites pas afin de courir plus librement d'une partie de plaisir à l'autre, c'est passion. Si vous n'avez d'autre fin que de plaire à Dieu, c'est charité, et dans ce cas vous vous rendez digne d'éloge et d'approbation. Supposez toutefois que les circonstances ne voulussent pas le contraire. Dites-moi donc avec quelle fidélité gardez-vous la chasteté? Si jamais vous étiez du nombre de ceux qui tombent à chaque pas, je vous dirais, et l'apôtre Saint Paul aussi bien que moi, de vous marier, de laisser l'état plus parfait à ceux qui sont plus forts que vous, pour vous contenter de marcher dans la voie commune, que ceux qui sont trop faibles pour garder la continence, se marient, car il vaut mieux se marier, que de brûler des ardeurs de la concupiscence. 1 Corinthiens 7, 9. Il vaudra toujours mieux aller au ciel avec une gloire moindre, que de tomber dans l'enfer avec une plus grande ignominie. Songez-y donc, sondez vos intentions et vos forces. Si les intentions sont droites, si les forces y correspondent, persévérez dans la résolution que vous avez prise. Si les intentions sont perverses, appliquez-vous à les redresser. Mais les forces viennent-elles à vous manquer? Dans ce cas, s'il n'est plus temps de changer de résolution, ayez recours à Dieu et à la très sainte Vierge pour y être fidèle. Oui, faisons-le, et faisons-le tous, puisque la sainte vertu de chasteté est nécessaire à tous, et que sans elle nul ne peut voir Dieu. Elle n'est peut-être pas moins nécessaire aux époux qu'aux religieux, et quant à moi, je regarde comme bien plus difficile de conserver la chasteté conjugale, que la chasteté virginale. Tous donc ont besoin de conserver cette belle vertu. Demandons-la à Dieu tout ensemble, recourons tous à l'intercession de Marie pour l'obtenir. C'est ce que nous faisons. Ô ma tendre mère, nous recourons à vous en ce jour d'allégresse. Je sais que même les personnes les plus avares ont coutume de prodiguer les grâces et les faveurs le jour de leurs noces. Avec quelle libéralité ne le ferez-vous pas, vous qui n'êtes ni tenace, ni avare de vos dons? S'il en est ainsi, me voici prosterné à vos pieds, implorant de votre générosité tous les secours que vous savez m'être nécessaires, pour arriver au port du salut éternel, mais spécialement je vous demande la grâce, qui m'est si indispensable, de garder une sainte continence. Je sais que vous aimez les âmes pures, Considérez donc la mienne, si elle est pure, conservez-la dans le même état, si elle était impure, songez à la purifier, et à la rendre telle qu'elle soit digne d'aller un jour célébrer dans le ciel les noces avec l'agneau de Dieu, que vous avez mérité de porter dans votre sein virginal. Amen. Markem Dan Archivorg 2023. D'après Books Google et faire licence Creative Commons. Pas d'usage commercial. Partage à l'identique.